Dossier 5. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Est-il possible de vivre sans médias? Peut-être que oui, si on vivait à une autre époque. Mais aujourd'hui, les médias se présentent comme les principales sources d'information pour tout le monde, surtout pour faire des recherches dans tous les domaines. Ils sont pratiquement inséparables de la vie quotidienne. De nos jours, rares sont les familles qui n'ont pas d'appareil permettant l'accès à l'information. Au minimum, une famille possède une télévision ou une radio et un ordinateur avec accès à Internet. Présents dans notre vie sociale, les médias changent également notre comportement d'achat. Une statistique récente montre que l'utilisation du mobile est en plein développement. Ainsi, elle a augmenté de 78% en 2017, alors que 17% des Français possédaient un téléphone mobile en 2011. Les Français sont nombreux à utiliser quotidiennement le téléphone mobile, 75% en 2017, contrairement à l'ordinateur qui a diminué depuis 2014. À la question « Quel équipement utilisez-vous le plus souvent pour vous connecter à Internet ?», la majorité des Français répondent « Le mobile ». C'est ainsi qu'en 2017, 42% des Français utilisent leur portable pour se connecter à Internet, contre 38% qui préfèrent l'ordinateur.